C'est le temps du commentaire de disque de la semaine. Et bien entendu, on va prendre un disque qui est en nomination au Gala des Prix Trior pour album de l'année. Et c'est l'album éponyme d'Alexis Normand. L'album était sorti juste un peu après la date limite de 2017. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de l'accepter pour les Prix Trior 2019. Donc, un album éponyme pour l'auteur, compositrice, interprète Alexis Normand. Cette jeune artiste francescoise s'est associée à Marc Pérus pour nous offrir un moment de tendresse garanti. Alexis Normand poursuit toujours dans son univers folk avec laquelle on y ajoute des nuances de jazz, des nuances orchestrales même, pour lui donner une profondeur plus-value, des plus intéressants. Deux des très bons textes de cet album est Sans attente, qu'on va entendre dans quelques instants, et aussi Tempête dans ma tête. Ce sont accompagnés de belles trames de piano, trio à cordes qui fait des moments magiques sur cet album-là. Je vous donne bien sûr une adresse pour aller vous le procurer si vous ne l'avez pas déjà. C'est alexisnormand.com ou encore via peut-être lapcm.ca pour vous procurer ce troisième album de l'artiste. Et c'est un album éponyme, Alexis Normand de la Saskatchewan. Elle est native, si je ne me trompe pas, de Saskatoon, et c'est vraiment intéressant comme produit. On va y aller avec une première chanson, comme je vous dis, c'est tout simplement Sans attente, et je vous jure, cet album-là va vous rester dans la tête longtemps. Voici Alexis Normand. Trop blessé pour continuer, même si les cris sont arrêtés. Y a trop d'aveux entre nous deux. Trop tanné pour arbitrer. Pas de victoire à remporter. Y a trop d'enjeux. Y a trop d'orgeux. Sans attente. Sans attente. Sans attente, trop brisé pour se soigner, trop de morceaux à recoller, mettre le feu pour être mieux. Sans attente, sans attente, sans attente, défaire les nœuds et me détacher, laisser la peur. Mon élan et laisser mon âme au vent. attente, sans attente, sans attente, sans attente d'Alexis Normand de la Saskatchewan. J'ai oublié de mentionner, son timbre de voix est vraiment très réconfortant, très doux, et c'est vraiment merveilleux. J'adore cet album-là. Eh bien, mes plages préférées sont de deux beaux textes de Daniel Beaumont sur des musiques d'Alexis Normand. Il y a « Mauvais sort » qui est vraiment bien fait, qui nous invite à foncer. Johnny Cash nous rappelle l'univers de ce géant de la musique country. Et il y a aussi « Sans faire exprès » qu'on va entendre dans quelques instants, qui nous parle du hasard dans les coups de foudre. Je tiens à mentionner « Sing Me Home », très très beau duo avec Daniel Lavoie, et qui fait un petit clin d'œil à une grande artiste canadienne en la personne de Johnny Mitchell. Ce merveilleux disque se termine sur une belle, belle berceuse de Mélanie Noël et Alexis Normand qu'on va entendre en fin de commentaire. C'est « À partir de toi ». Donc, qui est vraiment tout à fait charmant, tout en douceur. C'est vraiment bien, bien fait. Cet album-là est vraiment très bien produit. Je vous donne encore une autre fois deux adresses. Puis allez, si vous ne connaissez pas, allez découvrir, parce que ça vaut la peine. AlexisNormand.com et aussi www.apcm.ca. C'est une artiste, vraiment guitariste, pianiste, chanteuse, auteur, compositrice, interprète. Elle a beaucoup de talent et c'est vraiment très intéressant ce qu'elle nous propose sur cet album-là. Donc, on va y aller avec une pièce qui s'appelle « Sans faire exprès ». C'est tout simplement une autre belle chanson écrite par M. Daniel Beaumont et la musique est de Alexis Normand. « Sans faire exprès », voici l'auteur, compositrice, interprète de la Saskatchewan qu'il faut vraiment découvrir, Alexis Normand. Deux inconnus dans un wagon activent ensemble le frein de secours. Trois stations pour se dire bonjour. Deux collègues dans un ascenseur appuient sur R au même moment. Huit étages pour suspendre le temps. Sans faire exprès, défile se touche, rouge on s'adore, noir on s'ignore. Passager trop à l'étroit, allô stop, banquette arrière, Montréal, Gatineau pour se plaire. Côte à côte dans le même show, déjà quelque chose en commun, plus que cinq tours pour ne faire. Thank you. Au coude à coude, dans l'avion, siège 26A, siège 26B. 5 heures de vol pour se rapprocher. Des armes se frôlent et versent leur peau. L'amour qui rôde touche leurs épaules sans faire exprès. Des fils se touchent, noir en signal, rouge, non ça dort. Vous aimez la musique folk remplie de tendresse? Eh bien, l'album éponyme d'Alexis Normand est un univers parfait pour vous. De très beaux textes, des musiques folk aux nuances jazz, livrées par une voix douce, réconfortante. Voilà ce que cette auteure-compositrice-interprète de la Saskatchewan nous offre. Très bien réalisé par Marc Pérus, qui a su bien doser chaque instrument pour obtenir un son solide. L'album éponyme d'Alexis Normand s'écoute paisiblement du début jusqu'à la fin. Si vous ne connaissez pas encore cet artiste-là, il faut la découvrir. Vous pouvez la découvrir via son site internet alexisnormand.com et aussi via l'APCM, www.apcm.ca. Comme je vous dis, cet album-là est sorti presque 2 ans de ça. Est-ce qu'elle est en train d'écrire un prochain album? C'est à suivre. Pour l'instant, allez faire un tour au site internet que je vous ai donné et on va se quitter avec « À partir de toi ». Voici Alexis Normand. Arrivé, mon arrêt. c'est les victoires à partir de toi. Tout s'éclaircit à partir de toi. À partir espérer. Tu es mon endroit, mon point de départ. Sera à surveiller ce Damien Robitaille. Je crois qu'il a une dizaine de nominations un peu partout au cours des deux galas, soit le gala hors d'onde et le gala en onde. C'est une très bonne année pour lui et son album Univers parallèle. Donc, à suivre combien de statuettes qu'il ramassera, c'est à voir, mais faut dire que l'album Univers parallèle, c'est un excellent album. On va entendre, pour se rendre à la pause de l'heure, deux artistes, deux groupes qui, eux, sont en nomination pour le groupe de l'année au prix Trior 2019. Il y a Amélie et les Singes Bleus avec l'album Entre nous. Excellente, encore là, du bon jazz pop assez intéressant. La pièce que je vous propose, c'est tout simplement Pierrot à la lune. Pierrot et la lune, je vous jure, c'est très, très, très addictif comme pièce. C'est vraiment intéressant. Par la suite, on va entendre Georgian Bay avec Océan. Là aussi, un groupe très intéressant qui fait un spectacle d'adieu très, très bientôt à la fin mai. Soit pleine ou dorée, en croissant ou cachée, dans ses nuages de neige, elle joue au sortilège. Il aimerait l'embrasser, avec elle s'éclipser, s'attardant au mystère, au loin dans l'univers. Les soupirs dans sa bulle, pour sa belle de minuit, sa Jeanne d'Arc éblouie. En un quart de lumière, elle revient comme hier, pour bercer ses malaises, ses douleurs qui lui pèsent. Supplie à genoux pour devenir son époux. Par malheur, elle s'absente une nuit sur trente et sa disparition le poursuit d'émotions. Il restait perdu dans son nid suspendu. Il prit l'horizon, il tamisait ses ondes et ordonne à la pluie de cesser ses envies. Sans doute, il ira jusqu'à elle à n'en pousser. pousser des ailes. C'est tout ce qui lui reste. Dernier mot, dernier geste. Mirage existentiel. Retrouve sa lune de miel. Quand il parle à la lune. Quand il parle à la lune. Quand il parle à la lune. Échapper des idées imposées, vent.